J'ai un bilan. DJ ALX, c'est bilan. De lire. DJ ALX, Je veux l'écouter. Le bilan est à la fois positif et négatif, c'est un subjectif. En fait, c'est kiff, d'un côté de la paix, de l'autre de la guerre, d'un autre côté, de la bourgeoisie et de la pauvreté. Souvent, c'est eux qui se font marcher sur les billets et personne ne peut les aider. D'un côté, des gens clés et d'autres des drogués. Je le suis pas, mais je comprends qu'ils soient esquintés. On considère toujours que la politique a bon raison, même s'ils se sont discrédités. Hey, oh, pour abuser du pouvoir, ils y go. On n'est pas des nigos. Mais c'est déjà qu'ils veulent nous bouffer comme des voix. Corps, sont les violences policières, les crimes de militaires. Plein de crimes anti-humanité qui des fois sont cachés. Trop de gens sont oppressés. De toute façon, ils sont tout seuls. Toute personne ne les voit. Gars, c'est un tir, car on devrait donner une note d'insalubrité. Si tu vois de quoi je veux causer. Certains enfants, même pas de type, je crève déjà. Je te parle d'ailleurs, frère ou sœur. Ça part vraiment en couille, mais ce que je dis, c'est ni de la couille ni de la rouille. Hein, le bilan est à la fois positif et négatif, c'est un subjectif. En fait, c'est kiff, d'un côté de la paix et de l'autre de la guerre, d'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Le bilan est à la fois positif et négatif, c'est un subjectif. En fait, c'est kiff, d'un côté de la paix et de l'autre de la guerre, d'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Pauvreté, le bilan est à la fois positif et négatif. C'est à se couper les livres, en fait, c'est kiff. D'un côté de la paix et de la guerre, d'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Non, je veux pas croire qu'il y a du négatif, mais des gens qui perdent leur mif. J'ai bien vu qu'il y a pas que ça, il y a aussi de bons moments. Oh, des fois, il y a de quoi être content. Je te dis que sur ça, je mens. Je sais qu'il n'y a pas que des Israël. Je l'ai vu. Mais de toute façon, ça revient toujours. C'est trop con. Surtout après que ça tourne et rond. Ça alterne entre pleurs et joie. Je fais un constat. J'ai plein de souvenirs bons. La preuve que c'est pas tout le temps que ça tourne pas rond. Je l'ai remarqué avec beaucoup de façon. Les bons moments ne doivent pas être oubliés. Y'a des jours où c'est mieux de positiver pour oublier certains blèmes. Même s'ils reviendront, c'est con. Je sais, c'est comme as pour certains. Pour que certains positifs vous s'en sortent, il leur faut un cinquième as. Pour que ça passe, pour que ça casse. Le bilan est à la fois positif et négatif. C'est à se couper les tifs. En fait, c'est kiff. D'un côté de la paix, de l'autre de la guerre. D'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Le bilan est à la fois positif et négatif. C'est à se couper les tifs. En fait, c'est kiff. D'un côté de la paix et de l'autre de la guerre. D'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Le bilan est à la fois positif et négatif. C'est à se couper les tifs. En fait, c'est kiff. D'un côté de la paix et de l'autre de la guerre, d'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Regarde ce qui se passe, beaucoup de gens nous guettent. Faudrait leur mettre avec un texte ou quelque chose d'autre, une rafale à la ou couteau nous guette. Voilà une phrase que j'ai citée dans un de mes précédents textes. Son. C'est ce qui se passe au fond. Des mi-fa pleurent car des fois ça cause des morts. Ça amène à vouloir se venger comme Vince de la haine qui a vu. Après que son pote soit fait buter. Hey, heureusement qu'on ne vit pas comme certains de Compton. Dans les favelas des Epegenio. Gros, qui a fini, où est pas mal. Je suis un moralisateur, un constateur et contestataire. C'est pour les quartiers, chic comme pour les quartiers. Choc, vraiment pourquoi tu te moques. Dans ceux qui le diront, il y aurait aussi des vrais chanteurs de punk rock. Yeah, le bilan est à la fois positif et négatif. C'est à se couper les tifs. En fait, c'est kiff. D'un côté de la paix, de l'autre de la guerre. D'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Le bilan est à la fois positif et négatif. C'est à se couper les tifs. En fait, c'est kiff. D'un côté de la paix et de l'autre de la guerre. D'un côté de la bourgeoisie et de l'autre de la pauvreté. Le bilan est à la fois négatif et positif. C'est à se couper les tifs. En fait, c'est kiff. D'un côté de la paix et de l'autre de la guerre. D'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Le bilan est à la fois positif et négatif. C'est à se couper les tifs. En fait, c'est kiff. D'un côté de la paix et de l'autre de la guerre. D'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. DJ ALX Mad. DJ ALX Mad. DJ ALX Mad. Elite Mike.